Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. C'est l'heure! S'il avait fallu que j'oublie ça, on ne me l'aurait jamais pardonné. Vie de fortune! Mon copain d'annonceur a été promu au poste d'animateur de nouveau quiz. Alors, si je l'avais raté, j'en aurais entendu parler jusqu'à ma mort. D'autant plus que plusieurs de mes visiteurs habituels sont des invités de l'émission. Un jeu tout simple qui consiste à répondre à des questions de culture générale. Le concurrent qui, à la fin de la partie, a accumulé le plus de points, gagne un prix mirobolant. Ce n'est pas fantastique, ça! Est venu maintenant le moment de vous présenter nos concurrents. Sur la gauche, homme d'expérience, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, un cœur tendre qui aime tricoter avec sa mère, j'ai nommé Pépère! Au centre, une dame au grand cœur, défenseresse de la veuve et de l'orphelin, investie dans toutes les causes primordiales, fondamentales et des plus importantes, grande organisatrice de levée de fonds, Madame Artemise Coudon. Enfin, à droite, le dernier mais pas le moindre, un homme de talent, touche à tout, un génie du quotidien, toujours prêt à rendre service, et j'ai nommé Mac. Bienvenue à tous trois et merci d'être là. Merci à vous. C'est correct, mon vieil. Bon, c'est qui m'a pris de venir ici, boss. Well, the boss, well. Voici comment l'on joue à Vie de Fortune. C'est tout simple, vous allez voir. À tour de rôle, vous aurez à tourner notre grande roue, comme ceci. Vous voyez, celle-ci détermine une catégorie. Notre attention se déplace alors vers notre grand tableau. Vous constaterez qu'il est divisé verticalement en catégories différentes. Pour notre premier jeu, nous avons sport, capital, voyage, premier ministre, loisirs, histoire, grammaire, produits dérivés, grands monuments de littérature et de science-fiction. Voilà qui devrait être intéressant, n'est-ce pas ? La dimension horizontale du grand tableau est déterminée par notre boulier, que vous actionnerez et arrêterez à volonté par le déclencheur se trouvant devant vous. Nous obtiendrons ainsi les coordonnées d'une case sur le grand tableau. Dans cette case, dissimulée pour le moment, se trouve le niveau de difficulté de la question à laquelle vous devrez répondre pour faire les points qui vous permettront de remporter notre prix mirobolant. Comme je le disais, c'est tout simple. C'est qui dit ? J'ai rien compris pantoute, Boswell de Boswell! Pépère? Qu'est-ce que c'est? C'est à vous de commencer! Boswell! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? D'abord, tournez la grande roue. Ah, vous avez obtenu la catégorie littérature de science-fiction. Oh, Boswell! Il ne vous reste plus qu'à presser sur le bouton du déclencheur du boulier pour déterminer le niveau de difficulté de votre question. Allez-y! Vous pouvez arrêter le boulier quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Maintenant, ce sera un bon moment pour arrêter le boulier. Vous n'avez qu'à peser à nouveau sur le déclencheur. Allez-vous arrêter ce maudit boulier? Merci. Hé, c'est pas juste. C'est pas moi qui ai arrêté, boule. C'est l'anglais. Mais non. Ben là, tu vas pas me traiter de menteur, El Radio. Tu l'avais fait comme moi. Du calme, Monsieur Pépère. Hey, toi, Maroon, mêle-toi pas de ça. Mais tu prenais trop de temps, là, Pépère. C'est moi qui t'as supposé de l'arrêter, pas toi. Oui, nous mais... vous revenons dans quelques instants. Voici le retour. Pendant la pause, nous avons entendu The Star de Christian Martin, interprété par Kael. Les esprits se sont calmés et nous sommes prêts à reprendre le jeu. Pendant l'interruption musicale, Pépère a fait fonctionner le boulier, qui lui a désigné la case 10. Derrière cette case, nous trouvons quel niveau de difficulté, Pépère ? 10 points, well the boss, well ! Voici donc votre question. Dans Les Cavernes d'Acier, soit The Caves of Steel en anglais, paru en 1954, comment l'auteur Isaac Asimov a-t-il baptisé l'inspecteur de police chargé de mener l'enquête ? Dis-tu-moi ! Vous avez 10 secondes pour me donner une réponse. Pépère, votre réponse ? Inspecteur Gadget ! Non, malheureusement. Le droit de réplique, Madame Coulon, Mac ? Il s'agit sans aucun doute de l'excellent inspecteur Valander. Non, Mac ? Je pense que c'était... Bailey ! Yeah, yeah, Elijah Bailey ! Oui, bonne réponse ! 3 points pour Mac. À vous maintenant, Madame Coulon. Tournez la grande roue ! Je ne sais si je saurais. Vous avez du bras, Madame Coulon ! Je m'étonne moi-même, cher ami. Vous avez choisi la catégorie sport. Oh mon doux. Au boulier maintenant. La boule indique la rangée 2. Dans la case correspondante, on trouve... le nombre 6. Voici donc votre question. Où se tiendront les championnats canadiens de curling senior en 2016? À Tokyo. Curling? Championnat canadien? Vous confirmez votre réponse? À Tokyo, au Japon? Je confirme. C'est malheureusement une mauvaise réponse. Je ne comprends pas. C'est pourtant beau, Tokyo. Sans doute. Droit de réplique. Chicoutimi. Non. Ah, pas, well, je t'assure pourtant. Bah, au moins, vous êtes dans le bon pays, vous. Mac, vous voulez tenter quelque chose? Non. C'est sans doute judicieux de votre part. Il s'agissait de Digby en Nouvelle-Écosse. À vous, Mac, d'actionner la grande roue. Ah, vous avez choisi ma catégorie préférée, produits dérivés. Le boulier maintenant. Case 7, niveau de difficulté 2. Voici votre question. Quel est le distributeur exclusif nord-américain de la Wing Around? 10 secondes. I'm sorry, I don't know. Voilà qui est étonnant. Le droit de réplique. Personne ? C'est incroyable. C'est pourtant évident. Bah, c'est bien pour toi, Morin. Bah, pas pour nous autres. Non, mais c'est pourtant une question super facile. Je n'arrive pas à comprendre comment il se fait qu'aucun d'entre vous ne sachiez la réponse. Vous êtes complètement inculte ou quoi ? Qui m'a foutu une bande d'illettrés pareils ? Ça, c'était Zach de Christian Martin, interprété par le Newport Orchestra. Ceci dit, j'espère que notre annonceur de malheur s'est un peu calmé, sans porter de la sorte en onde parce que personne ne sait qui est le distributeur exclusif de la Wing Around. C'est complètement stupide. Comment veut-il que le commun des mortels sache ça? Il n'en a pas vendu une seule. Et nous sommes de retour. On me dit à l'oreille que je me serais légèrement emporté et que je dois des excuses à mes illustres invités. Mazin! Alors soit, recevez, messieurs, dames, mes excuses les plus plates. Vous me pardonnerez peut-être plus facilement lorsque vous saurez que le distributeur exclusif de la Wing Around pour l'Amérique du Nord, c'est moi! Oh, pauvre et cher ami. C'est pas de la culture générale, ça, mon hun. Plutôt une specialty. Vous me pardonnez? Certes! No problemo! Mouais. Mais recommence pas! Merci. Et maintenant, de retour à Vie de Fortune! Rappelons que Mac a 3 points et que les deux autres concurrents doivent encore s'inscrire au tableau. Tu veux ça poser des questions qu'on connaît aussi? Je m'y efforcerai. D'ailleurs, c'est à vous, Pépère. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tournez la grande roue. Et vous avez choisi la catégorie Histoire. Ah, ça, je connais ça. À la bonne heure. Au boulier, maintenant. Ah, mais vous avez fait vite, cette fois. Vous voulez pas me faire damer le pion par l'anglais? Oui, sans doute une sage précaution. Voyons voir. Le boulier indique la case numéro 8. Qu'y a-t-il dans la case numéro 8? Un 8, bonjouel de bonjouel. Voici donc votre question. Le Royal 22e Régiment arrive à Rome le 3 juillet 1944. Qu'a-t-il la chance de rencontrer? Eh, le pape Boswell! C'est une bonne réponse! Je sais bien, je suis là! 3 points pour Pepper qui rejoint ainsi Mac au pointage. À Madame Coulon! Vous avez choisi grammaire. Oh mon doux! Le boulier maintenant. Case numéro 6, contenant... Le chiffre 3. Voici donc votre question. Dans la phrase suivante, Tom et Jerry se disputent allègrement la meule de fromage farcie aux olives de Provence. Quel est le sujet? Comment s'accorde le verbe? Identifier l'adverbe et l'origine des olives. C'est là ma question? En effet. Oh, je suis perplexe. Mais pourquoi donc? Elle me semble plus longue que toutes les précédentes réunies. J'aurais dû la prendre en note. Pouvez-vous la répéter, cher ami? Certes. Dans la phrase suivante, Tom et Jerry se disputent allègrement la meule de fromage farcie aux olives de Provence. Quel est le sujet? Comment s'accorde le verbe? Identifier l'adverbe et l'origine des olives. Eh bien, voici. Le sujet, ou plutôt les sujets, sont en fait de mauvais sujets. Tous ceux ayant vu le dessin animé les mettant en scène vous le diront. Aussi, nous n'en tiendrons pas compte. Quant au verbe, il ne s'accorde pas, puisqu'il se dispute. L'adverbe, on s'en balance. Et les olives proviennent de Provence. Oui. Votre réponse ne manque pas d'intérêt. Bien qu'elle ne corresponde guère à ce que j'ai sur mon carton, sauf pour la Provence. Monsieur le juge? Très bien. Voici ce que m'indique monsieur le juge. Puisqu'il s'agissait d'une question composée de 4 éléments valant 4 points au total, on vous en accorde 1 pour la Provence. Vos autres éléments de réponse, bien que fort intéressants comme je le disais, ne correspondant pas à ce que nous cherchions, ne vous méritent aucun point. Au tour de Mac, qui devra faire rapidement, on m'indique que nous n'avons presque plus de temps. « Vous avez choisi la catégorie grammaire, la case 2. Voici votre question. Dans la phrase « J'ai deux beaux bœufs bruns », comment s'accorde le mot « brun » Well, laissez-moi y penser. Malheureusement non, nous n'en avons plus le temps. Il me faut votre réponse maintenant. C'est un adjectif, il s'accorde pas? Non, malheureusement. En français, les adjectifs s'accordent en genre et en nombre. Le pointage final est donc un point pour Madame Coulon, qui se mérite cette belle boîte de papier mouchoir et un dîner avec l'animateur chez Méo, cantine à la mode. Et 3 points pour Mac et Pépère, qui se partageront une nuitée pour deux au somptueux hôtel Cheap Price. 6, majestueux, au fond du puits de la mienne à ciel ouvert de Saint-Perdu-des-Îles-Mont-Gard. Bah, ouais, c'est you, ça? C'est loin, là, Pépère. C'est 600 piastres juste pour y aller. Et boy, ouais, peut-être la garder cette nuitée. Vous permettez? Fais comme pour vous, mon reine. Je disais donc, Mac et Pépère qui se partageront une nuitée pour deux au somptueux hôtel Cheap Price, 6 majestueux, au fond du puits de la mine à ciel ouvert, de Saint-Perdu-des-Îles-Mont-Gard. Inclut les doubles sommiers, drap contour et droit, couverture oreiller, une table de chevet, une lampe, ampoule en sus, salle de bain, à l'étage, papier hygiénique en sus, savon en sus, shampoing en sus, serviette en sus. Les éditions de l'avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche. Vos interprètes, Carole Bassani dans le rôle de Madame Coulon, Gabriel Jean dans les rôles de Mac, de Pépère et de l'annonceur, et Christian Martin dans le rôle de Paul Courtemèche. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives et est une production 2014 des éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.